Est-ce que tu crois m'apprendre quelque chose ? Pendant 7 ans, je n'ai rien voulu voir, mais je savais. Lorenz a peut-être une chance de plus que les autres à cause de la musique. C'est ce qu'il m'a dit. Quoi ? Qu'elle ne pense qu'à ses triomphes féminins, sociaux ou artistiques, spécialement artistiques. Elle veut à tout prix devenir une cantatrice. C'est là qu'il peut la servir. Unwanted heroicism just became declassified! occupy is only on the ascension, and the area you were delegated requires intervention. And oh, beat, you are now syncopating, no longer waiting. Triomphe, la vie à la maison, ce n'est que ça, une série de triomphes. Léonard, j'ai une idée. Vas-y, je la hais. Et moi, je passe la moitié de ma vie à la haïr et l'autre moitié à l'adorer. Qu'a-t-elle donc, bon Dieu ? Elle a d'abord un visage pour lequel un homme se suiciderait. Ensuite, elle a une silhouette qui, s'il n'était pas tout à fait mort, le ferait se relever pour se tuer à nouveau. Enfin, elle a ce goût extraordinaire qu'ont certaines de planter des épingles dans certains hommes, juste pour le plaisir de les voir se tordre. Si tu veux la voir vraiment, je puis t'aider. Si un jour tu la domines vraiment, cela changera tout. Le veux-tu ? Tu vois, tu me plais beaucoup. Thank you. Tu crois pouvoir lui faire mal, c'est impossible, elle ne sait même pas ce que c'est. Tu vas y aller, tu vas l'attraper par le cou et commencer à lui tordre. Qu'est-ce qui va arriver ? Au bout de 2 secondes, elle t'aura jeté par terre, et au bout de 5 secondes, elle t'arrachera les ongles en souriant. Lui faire mal, je suis mort d'avoir essayé. Thank you. Tu n'as pas touché au bon endroit. Mais où est-il ce bon endroit ? Sur le glaçon qu'elle appelle son cœur. Dans le domaine du succès, mon chéri, tâche de triompher, toi, et tu la verras. I'm Je vais chanter à Town Hall, moi. D'abord, je ne sais pas chanter. Ensuite, je ne veux pas chanter. Et enfin, tout ça est idiot. De plus, qu'est-ce que ça changerait ? Un récital payé de plus où des critiques de second ordre passeraient 3 minutes et où une foule de snobs et de crétins se ficheraient de moi. De plus, je ne recommencerai pas le rabattage du public. J'en ai assez. I found a home away from home as I broke up in Amarante. In the Campo do Carvalho, send a circle every day. Erratic kamikaze, I co-pilot in the swift. Dreamt I'm anchoring at midfield, like the anchor in my midriff. About to make a lot of money, gold hats in the pan. Northland revolutionary with selfish needs aside. As I cried, I'm about to make a lot of money, gold hats on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter even settles down. The bruised and beat up open sky. 6 o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. 6 o'clock, 6 o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Lose from you, torn great for hands. As it stands, I'm about to make a lot of money, gold caps in the pan. None can revolutionary with selfish needs aside. As I cry, I'm about to make a lot of money, goes around and around and around. Are you for ya? Is it a real for ya? Is it a real for ya? Is it a real for ya? It's a real fire. It's a real fire. It's a real fire. It's a real fire. It's a real fire. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Pedal past the trees, watch them losing leaves. Riding by the creek, no tones, no suits, no screens. Fresh air, no care we share. And I still talk to Pear, and I'll be waiting there to ride the country, yeah. Take a ride with me, away from the city. Pedal past the trees, watch them losing leaves. Riding by the creek, no tones, no suits, no screens. still talk to Pear, and I'll be waiting there to ride the country air. instead of good old days that they like to remember themselves back into when their current state is lacking some way. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de joli garçon qui s'étendent comme des coups d'épervier. We'll be right back. everything they tell me set in stone. I said that we're together, but I'm sat here on my own. In a company of strangers, in a trigger happy scene. Whatever had to lack a hand, and there is nothing in between. Oh no, no, I don't mind. Oh no, no, I don't mind. Cause I can kill someone to prove I'm done. The doctor's everything is. Yes, someone to shed some light on. Miracle cure substance. Crackpot cracks with cracks of egos. Prescribing opposite us. Collecting general in a new bomb. I see them now and then still spitting out those lies. Strange, it doesn't bother me, I've got my own disguise. And there's really not that much of me that Jesus left to save. If saving's only bartering my soul to be his pain. Oh no, no I don't mind. Oh no, no I don't mind. Cause I can kill someone to prove I don't. Someone to shed some light on. Miracle cure substance. Crackpot wax with cracks on me. Prescribing and placebo. Collecting general without me. I need it. Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre deux âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux, et vêtue d'une robe toujours de travers, et deux bourgeoises avec leur mari, habituées de cette gargote à prix fixe. So who's holding the drugs? Who's Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin et il lui restait juste en poche 3,40 francs pour finir le mois. Cela représentait deux dîners sans déjeuner ou deux déjeuners sans dîner au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore deux collations au pain et au saucisson, plus deux bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Beautiful baby with the cadence and all the things of our precious lives. It was Sunday, Sunday morning when she came singing and dancing with all of her smiles. I can't remember the way that you cried or the way that she died. I just sat safely in my own denial. A newborn baby of red and white, running naked, screaming through the lobby. If you could have been there, you would have seen it, and you would have been speechless in your own surprise. This healthy child doesn't need the cold actions shoved into her mind. And then you cut your fingers on the corners of the light, and it's Sunday, bloody Sunday, it's Sunday, bloody Sunday, Sunday, Sunday, Sunday. We'll be right back.

Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entrouvertes comme s'il venait de descendre de cheval. Et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille, son chapeau à haute forme assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Guy de Maupassant, bel ami. What's the point? Christ, it would be nice if I was creeping, and it felt like time was ending. All my staircases ascending, like a broken mirrored image. Wonder what I have a heart for, still waiting for departure. And the world keeps moving, the world just keeps moving, the world just keeps moving. And it all just keeps emerging, not the way towards disillusions. I walk with that confusion, just avoid the start existence. Above all of the nonsense, till I saw that they were lying, and I looked at them with dizzy, and the world just kept a creeping. Yeah, the world just kept a creeping. Le jeu veut pervertir son assise, s'arracher à son contexte, gagner ses hautes sphères d'injustice. Veuillons la paupère pelue du monde, dont son aube secrète le frémissement de sa création, sa jaillissante imminence paraît fastueuse d'oubli. Telle sera notre passion glacée, strict recueillement dans l'attente fébrile de l'infinissant. Alternative impossible de ces damnés qui baient, infime par ailleurs, abandonné à la détresse d'une si vive exclusion de l'attente. If you go. little tattoo. I feel like I'm falling for you. Sha sha sha, sha sha sha, sha sha sha. A cabbie pisses on the wheel of his own car. Heads in the streets, turn cheeks at stars. There's always tears. There's always gonna be tears. There's always gonna be sha sha sha, sha sha sha, sha sha sha. Ce mystère du jamais vainqueur nous dévolu au lange moiré des ailleurs. Tragique se déplace l'omnidifféré du triomphe toujours libre, triomphe purifié de titulaire. Ne sommes qu'un vide, qu'une immense dépression. Le multiple interfère, pilonne en présente pluie, le bloc avenu dont nous sommes les exilés. Nous sommes les acteurs payés pour jouer un film porno qui s'acquittent loyalement de leur besogne, tout en tirant la satisfaction légitime que procure le travail bien fait, mais avec cette sorte de détachement suprême qui correspond aux exigences abstraites du scénario. Et puis, les gens payent des impôts. cocktail webs. I know why you never come round. I've had an extra limb and someone is bleeding. Some cabaret. Tommy is sexist, call me dog shit, but make a son of difference. It's like one thing, 1 minute. It's sick as a sea. Oh, this is in here. It's on fireside. Heaven is sunny. fascination du contre, nos dangers se risquent. Prolifère de traîtrise, nos rires féroces excèdent la voûte de nos cathédrales invisibles. Le cœur scintille ailleurs.